Voyons maintenant d'autres verbes, juste deux ou trois. Autant des longueurs. Commençons par le verbe savoir, sapere. Au passé, vous direz « je le savais ». Ce n'est pas un point précis dans le passé, parce qu'en général, ce que vous saviez ou ce que vous savez maintenant, vous le savez depuis quelque temps ou même depuis longtemps. Ce verbe vous donne donc l'idée d'une ligne continue dans le passé. Je le savais. Lo sapevo. Je ne le savais pas. Non lo sapevo. Cela dit, il est possible aussi que sapere représente un point précis dans le passé et qu'on dise l'ho saputo. À ce moment-là, il ne s'agit plus de savoir au sens de connaître, mais de savoir au sens d'apprendre, de découvrir. C'est l'équivalent de « je l'ai su », « je l'ai appris ». Par exemple, comment diriez-vous « j'ai appris » ou « j'ai su que ce sera prêt bientôt ». Ho saputo che sarà pronto presto. Oui, bien. Ho saputo che sarà pronto presto. Par contre, si vous voulez dire « je ne le savais pas », qu'est-ce que ça donnera ? Non lo so. Ça c'est « je ne le sais pas ». Non lo sapevo. Non lo sapevo. Je ne le savais pas. Voyons maintenant « volere », vouloir, autant des longueurs. En français, ça donne « je voulais ». Au lieu de dire « je l'ai voulu », qui donnerait sur le même modèle que sapere, saputo, voluto, l'ho voluto. L'ho voluto, oui. Donc, au lieu de l'ho voluto, vous direz je le voulais. Lo volevo. Lo volevo, c'est ça. Comment diriez-vous je ne voulais pas l'acheter? Non volevo comprarlo. C'est ça. Non volevo comprarlo. Maintenant, autre chose. Je le regardais et je n'ai pas voulu l'acheter à ce moment-là. D'abord, je le regardais. Regarder, le verbe regarder, c'est guardare. Comme regarder, mais sans le re et avec un U après le G. Guardare. Alors, dites-moi, je le regardais. Lo guardavo. Lo guardavo. Mais je n'ai pas voulu l'acheter. Ma non ho voluto comprarlo. Ma non ho voluto comprarlo. Mais je n'ai pas voulu l'acheter à ce moment-là. C'est bien un point dans le passé. Par contre, je ne voulais pas l'avoir, c'est le temps des longueurs, une ligne continue. Comment diriez-vous ça? Non volevo. Oui. Averlo. Non volevo averlo. Oui. Voilà la ligne dont nous parlions. Nous allons parler maintenant de avere, avoir, au temps des longueurs, l'imparfait. Par exemple, j'avais le temps ou. J'avais quelque chose, c'est quelque chose qui dure. Ce n'est pas juste un moment précis. Par opposition à ho avuto, j'ai eu, qui représenterait un point précis dans le temps. Donc, imaginons que vous vouliez dire « je ne voulais pas le faire parce que je n'avais pas le temps de le faire. J'étais très occupé. » C'est un homme qui parle. Commençons par « je ne voulais pas le faire ». Non volevo farlo. Non volevo farlo parce que je n'avais pas le temps de le faire. Perché non avevo tempo di farlo. Bien, perché non avevo tempo di farlo. J'étais très occupé. Comment dit-on j'étais? Ero. Ero bien, j'étais très occupé. Ero molto occupato. Voilà, non volevo farlo perché non avevo tempo di farlo. Ero molto occupato. Je vous rappelle que si c'est une femme qui parle, elle dira ero molto occupata. Voyons maintenant le verbe pouvoir, potere, au temps des longueurs. Comment diriez-vous je pouvais? Potevo. Potevo, oui. Par exemple, je ne pouvais pas le dire, comme dans je le savais, mais je ne pouvais pas le dire. Comment diriez-vous ça? Je ne pouvais pas le dire. Non potevo dirlo. C'est ça. Non potevo dirlo. Dites-moi maintenant, je ne savais pas où il était. Non sapevo dove il était. Comment dit-on j'étais? Ero. Ero. Et donc, il était? Era. Dov'era? Ce n'est pas era, mais... Era. Oui. Dov'era? Dov'era, oui. Non sapevo dov'era. On peut dire soit dove era, soit dov'era. On peut faire la contraction. Comment diriez-vous je le cherchais? Cercavo, lo cercavo. Lo cercavo, oui, de cercare, chercher. Mais je ne l'ai pas trouvé. Comment diriez-vous ça? Ma non lo cercavo. Ça c'est je ne le cherchais pas. Je vous ai demandé, je ne l'ai pas trouvé. Ma non lo trovato. Ma non l'ho trovato. Oui. Reprenons notre phrase. Je le cherchais, mais je ne l'ai pas trouvé. Lo cercavo, mais je ne l'ai pas trouvé. Ma non l'ho trovato. Voilà. Lo cercavo, ma non l'ho trovato. Bon. Maintenant, revoyons un peu le verbe pouvoir, potere, au conditionnel d'abord. Comment diriez-vous, il ne pourrait pas le faire demain? Non potrei. Il ne pourrait pas. Ah, pardon. Il non potrebbe farlo domani. Non potrebbe farlo domani. Et comment diriez-vous, il ne pouvait pas le faire. Non potevo. Il ne pouvait pas le faire. Non poteva farlo. Répétez s'il vous plaît en insistant au bon endroit. Non. Non poteva farlo. C'est ça. Non poteva farlo. Maintenant, imaginez que vous vouliez demander un renseignement à quelqu'un que vous venez de rencontrer. Comment diriez-vous, pourriez-vous me dire où c'est? Potrebbe dirmi dov'è? Potrebbe dirmi dov'è? Tout à fait. On peut faire la même distinction en italien et en français entre pouvez-vous me dire où c'est et pourriez-vous me dire où c'est? Pouvez-vous venir avec moi et pourriez-vous venir avec moi? Alors, demandez par exemple, pouvez-vous me dire où c'est? Pouvez-vous? Può me dire où c'est? Può dirmi dov'è? Può dirmi dov'è? Oui. Ou alors, on peut dire aussi, pourriez-vous? Traduisez s'il vous plaît, pourriez-vous me dire où c'est? Potrebbe dirmi dov'è? Potrebbe dirmi dov'è? C'est ça. Dites maintenant, il le savait, mais il ne pouvait pas le dire. Lo sapeva, ma non poteva dirlo. Très bien. Lo sapeva, ma non poteva dirlo.